Ce soir, j'ai le blues de doigts, on s'est quitté. C'est bien mieux comme ça. Mais de quoi as-tu peur puisqu'on ne s'aime pas? Pourquoi ne plus se voir? Comme avant, passe me voir. Oui, passe me voir. Je crois bien que ce soir, moi j'ai le blues de toi, on s'est quitté. C'est vrai. C'est bien mieux comme ça. Sur un coup de cœur, on a cru s'aimer. Sur un coup de cœur, on a compris qu'on était juste amis. Amis à vie. C'est facile, mais c'est différent. On était bien amis. Oublions d'être amants. Ce soir, j'ai un coup qu'à faire. Besoin d'un ami, passe me voir. Faire l'amour, c'est facile, mais c'est différent. On était bien amis. Oublions d'être amants. Mais ce soir, j'ai un coup qu'à faire. Besoin d'une amie, passe me voir. Tu peux puisqu'on ne s'aime pas. Pourquoi ne plus se voir? Comme avant, passe me voir. Passe me voir. Sur un coup de cœur, on a cru s'aimer. Sur un coup de cœur, on a compris qu'on était juste amis. Amis à vie. Passe me voir. Passe me voir. Passe me voir. C'est facile. Passe me voir. On était bien amis. Passe me voir. Passe me voir. Et l'amour c'est facile. Passe me voir. On était bien amis.